La Bible David Martin 1744. Le premier livre des rois, chapitre 1. Or le roi David devint vieux, et avancé en âge, et quoi qu'on le couvrit de vêtements, il ne pouvait pourtant point se réchauffer. Et ses serviteurs lui dirent, qu'on cherche au roi notre Seigneur une jeune fille vierge, qui se tienne devant le roi, et qui en ait soin, et qu'elle dorme en son sein, afin que le roi notre Seigneur se réchauffe. On chercha donc dans toutes les contrées d'Israël une fille qui fut belle, et on trouva Abisa Sunamite, qu'on amena au roi. Et cette jeune fille était fort belle, et elle avait soin du roi, et le servait, mais le roi ne la connut point. Alors Adonija fils d'Agjit s'éleva, en disant, « Je régnerai ». Il s'établit des chariots, des gens de cheval, et 50 hommes qui couraient devant lui. Or son père ne voulait point le chagriner de son temps, et lui dire, « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Il était aussi de fort belle taille, et sa mère l'avait enfanté après Absalom. Et il communiqua ses affaires à Joab, fils de Tseruja, et au sacrificateur Abiathar, qui l'aidèrent, et furent de son parti. Mais le sacrificateur Tsado, et Benaja fils de Jéhojada, et Nathan le prophète, et Simi, et Rei, et les vaillants hommes de David n'étaient point du parti d'Adonija. Or Adonija fit tuer des brebis et des bœufs, et des bêtes grasses près de la pierre de Zoélète, qui était auprès de la fontaine de Roguel, et il convia tous ses frères les fils du roi, et tous ceux de Juda qui étaient au service du roi, mais il ne convia point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Alors Nathan parla à Bathseba, mère de Salomon, en disant, « N'as-tu pas entendu qu'Adonija fils d'Agit a été fait roi, et David notre Seigneur n'en sait rien. Maintenant donc viens, et que je te donne un conseil, je te prie, et sauve ta vie, et la vie de ton fils Salomon. Va, et te présente au roi David, et lui dis, « Mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante, en disant, « Certainement ton fils Salomon règnera après moi, et sera assis sur mon trône, pourquoi donc Adonija a-t-il été fait roi ? » Et voici, lorsque tu seras encore là, et que tu parleras avec le roi, je viendrai après toi, et je continuerai le discours que tu auras commencé. Bathseba donc vint vers le roi dans sa chambre, or le roi était fort vieux, et Abisa Sunamite le servait. Et Bathseba s'inclina et se prosterna devant le roi, et le roi lui dit, « Qu'as-tu ? » Et elle lui répondit, « Mon Seigneur, tu as juré par l'Éternel ton Dieu à ta servante, et tu lui as dit, « Certainement ton fils Salomon règnera après moi, et sera assis sur mon trône. Mais maintenant voici, Adonija a été fait roi, et tu n'en sais rien, ô roi, mon Seigneur. Il a même fait tuer des bœufs, des bêtes grasses, et des brebis en grand nombre, et a convié tous les fils du roi, avec Abiathar le sacrificateur, et Joab chef de l'armée, mais il n'a point convié ton serviteur Salomon. Or quant à toi, ô roi mon Seigneur, les yeux de tout Israël sont sur toi, afin que tu leur déclares qui doit être assis sur le trône du roi mon Seigneur après lui. Autrement il arrivera qu'aussitôt que le roi, mon Seigneur sera endormi avec ses pères, nous serons traités comme coupables, moi, et mon fils Salomon. Et comme elle parlait encore avec le roi, voici venir Nathan le prophète. Et on le fit savoir au roi en disant, voici Nathan le prophète, et il se présenta devant le roi, et se prosterna devant lui sur son visage en terre. Et Nathan dit, ô roi mon Seigneur, as-tu dit, Adonija régnera après moi, et sera assis sur mon trône? Car il est descendu aujourd'hui, et il a fait tuer des bœufs, des bêtes grasses, et des brebis en grand nombre, et a convié tous les fils du roi, et les chefs de l'armée, et le sacrificateur Abiathar, et voilà ils mangent et boivent devant lui, et ils ont dit, vive le roi Adonija. Mais il n'a convié ni moi ton serviteur, ni le sacrificateur Tsado, ni Benaja, fils de Jéhojada, ni Salomon ton serviteur. Ceci aurait-il été fait de par le roi mon Seigneur, sans que tu eusses fait savoir à ton serviteur qui est celui qui doit être assis sur le trône du roi mon Seigneur après lui? Et le roi David répondit, et dit, appelez-moi Bathseba, et elle se présenta devant le roi, et se tint devant lui. Alors le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toute angoisse, est vivant, que comme je t'ai juré par l'Éternel le Dieu d'Israël, en disant, certainement ton fils Salomon régnera après moi, et sera assis sur mon trône en ma place, je le ferai ainsi aujourd'hui. Alors Batseba s'inclina le visage contre terre, et se prosterna devant le roi, et dit, « Que le roi David mon Seigneur vive éternellement. » Et le roi David dit, « Appelez-moi Tsado le sacrificateur, et Nathan le prophète, et Benaja fils de Jéhojada, et ils se présentèrent devant le roi. » Et le roi leur dit, « Prenez avec vous les serviteurs de votre Seigneur, et faites monter mon fils Salomon sur ma mule, et faites-le descendre vers Gion. » Et que Tsado le sacrificateur, et Nathan le prophète, loignent ce lieu-là pour roi sur Israël, puis vous sonnerez de la trompette, et vous direz, « Vive le roi Salomon !» Et vous monterez après lui, et il viendra, et s'assiera sur mon trône, et il régnera en ma place, car j'ai ordonné qu'il soit conducteur d'Israël et de Juda. Et Benaja fils de Jéhojada répondit au roi, et dit, « Amen, que l'Éternel le Dieu du roi mon Seigneur l'ordonne ainsi. » Comme l'Éternel a été avec le roi mon Seigneur, qu'il soit aussi avec Salomon, et qu'il élève son trône encore plus que le trône du roi David mon Seigneur. Puis Tsado le sacrificateur descendit avec Nathan le prophète, et Benaja fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens, et ils firent monter Salomon sur la mule du roi David, et le menèrent vers Gion. Et Tsado le sacrificateur prit du tabernacle une corne pleine d'huile, et oignit Salomon, puis on sonna de la trompette, et tout le peuple dit, « Vive le roi Salomon !» Et tout le monde monta après lui, et le peuple jouait de la flûte, et était dans la joie tellement, que la terre se fendait des cris qu'il jetait. Or Adonija et tous les conviés qui étaient avec lui, entendirent ce bruit comme ils achevaient de manger, et Joab entendant le son de la trompette, dit, « Que veut dire ce bruit de la ville qui est ainsi émue ?» Et comme il parlait encore, voici Jonathan fils d'Abiathar, le sacrificateur arriva, et Adonija lui dit, « Entre, car tu es un vaillant homme, et tu apporteras de bonnes nouvelles. » Mais Jonathan répondit, et dit à Adonija, « Certainement le roi David notre Seigneur a établi roi Salomon. » Et le roi a envoyé avec lui Tsado le sacrificateur, Nathan le prophète, Benaja fils de Jéhojada, et les Kérétiens, et les Pélétiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Et Tsado le sacrificateur, et Nathan le prophète l'ont loin pour roi à Gion, d'où ils sont remontés avec joie, et la ville est ainsi émue, c'est là le bruit que vous avez entendu. Et même Salomon s'est assis sur le trône du royaume. Et les serviteurs du roi sont venus pour bénir le roi David notre Seigneur, en disant, que Dieu rende le nom de Salomon encore plus grand que ton nom, et qu'il élève son trône encore plus que ton trône. Et le roi s'est prosterné sur le lit. Qui plus est, le roi a dit ainsi, « Béni soit l'Éternel le Dieu d'Israël, qui a fait aujourd'hui asseoir sur mon trône un successeur, lequel je vois de mes yeux. » Alors tous les conviés qui étaient avec Adonija furent dans un grand trouble, et se levèrent, et s'en allèrent chacun son chemin. Et Adonija craignant Salomon, se leva et s'en alla, et empoigna les cornes de l'autel. Et on le rapporta à Salomon, en disant, « Voilà Adonija qui a peur du roi Salomon, et voilà il a empoigné les cornes de l'autel, en disant, « Que le roi Salomon me jure aujourd'hui, qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. » Et Salomon dit, « Si à l'avenir il se porte en homme de bien, il ne tombera pas un de ses cheveux en terre, mais s'il se trouve du mal en lui, il mourra. » Alors le roi Salomon envoya, et on le ramena de l'autel, et il vint, et se prosterna devant le roi Salomon, et Salomon lui dit, « Va-t'en dans ta maison. »